Yeah. Ok. Clack and Co. Mouvement stellaire. Lumière noire. Yeah. Tu veux connaître mon blaze? Écoute. Déjà type, on m'a posé dans un trip de zik hip hop, ça roule avec Romain Hick. Je me revois chantant Billie Jean, ma mère coupe pas trop Blue Jean. C'est peut-être l'origine de l'estime que je porte au chant, au sap d'entendre. Voilà 6 ans, assis dans ce monde qu'on appelle hip hop en précisant que je le savais rap moi. Je voulais juste qu'on me remarque, j'ai donc pris mes marques en danse, enchaînant des tas de pas. Et dire c'était pour séduire les nanas, là j'avoue ma précocité dans la perversité. Étant membre des nouveaux anges de la révolution, ça m'arrange. J'avais déjà mon place, qui love, un texte qui dort. Ensemble j'étais obédopé, prêt au succès. Vraiment prêt à tout, pour toucher ou juste tâter. Quelques paires de miches. Et pour ce faire, j'ai donc pris le microphone. Mon frère assistait tellement assisté par mon coup de jackass de nos sens. Donc, sous la pression j'accepte, j'suis forcé d'admettre que pour le rap j'ai des capacités rares. J'ai 13 piges, je mesure 1m36. Je suis dans les temps, j'ai déjà la vibe, le coffre, le flow fluide. Je vis mon jour de gloire et je suis fou de voir tous ces gens autour de moi, fou de moi. Stylistique le mic 2011. On arrive. Tu voulais savoir qui je suis? Tu vas savoir ce que je vis. Clack and Co. Une référence pour les pros. Ok. Vas-y.